بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. لفضل profitable dans le توحيد la jurisprudence et la aqida. Par notre humble cheikh يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، من درسنا اليوم سنخوض بعض المسائل الجديدة، وما زلنا فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. نعم. طيب، بعدما كملنا بما هو أهم معرفته على العبد والتوحيد وضده والشرك بالله عز وجل، فمن هنا سنواصل. Après qu'on ait pu ce qu'il y avait de plus important, qui est le cœur de la religion, de cette religion, noble religion, la seule et véridique acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam, nous avons pris ce qui tournait autour du tawhid, toujours de façon assez sommaire. Et d'autres couteaux plus longs ont été, alhamdoulilah, ont été écrits sur le sujet, avec plus de détails, plus de questions, plus de temps facile. Wa ma al-an, sanakhouz, shay'an wa yata'alak bi maratib al-islam. Faqal, المسألة الخامسة وعشرون قال فإذا قيل لك كم مراتب الدين combien de degrés de niveau à la religion فقول مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. Donc tu dis, après que tu étais interrogé sur les maratib de l'islam, tu dis ils sont de 3 degrés: l'islam, l'iman, ce qu'on appelle la foi, et l'ihsan, ce qu'on appelle la bien l'excellence, la perfection, souvent se traduit par ce mot-là. Et la preuve, c'est le hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ce fameux hadith rapporté par l'imam muslim, qui appelait le hadith al-Tawil, le hadith d'Ibril, dans lequel il fut cité que Jibril interrogeait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est vu sous l'apparence d'un homme, habillé de blanc, éclatant, avec une chevelure noire, et débarquant de nulle part, et inconnu de tous. Devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْ رُكْبَتَيْ وَوَدَعَ وَوَدَعَ يَدَيْ عَلَى فَخِذَيْ فَقَالْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنَ الْإِسْلَامِ. Il dit au Mohammed, informe-moi de l'islam. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. Donc il lui dit, ô Mohammed, informe-moi de l'islam. Il dit que tu attestes qu'il n'y ait pas d'autre divinité digne d'être adorée ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager et serviteur, que tu accomplisses sa salat, que tu t'acquittes de la zakat, que tu fasses le siyam, le jeûne, et que tu fasses le hajj à la maison sacrée, si tu en as la capacité. Il lui dit, tu as raison. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُوا وَيُصَدِّقُوا. Donc là, les sahabas furent surpris, ils l'interrogent, et après ils confirment. ثُمَّ قَالْ فَأَخْبِرْنِي عَنَ الْإِيمَانِ. Informe-moi de la foi. هَذَا وَالشَّاهِدِ. Et donc, مِنَ الشَّاهِدِ قَالْ الْإِيمَانَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. Donc il lui dit, informe-moi de l'iman, la foi. Il dit, la foi, c'est que tu crois en Allah, et en ses anges, et en ses messagers, et en ses livres, et au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il lui dit, tu as raison. Thumma qal, fa arberni an el ihsan. Informe-moi donc de l'excellence. Fa qal, an ta'budallaha kannaka tarah, fa innam takun tarah, fa innam yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, et que si jamais tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Donc là, c'était la partie, le shahid de ce hadith, dans lequel il interroge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les trois maratibs de l'islam. Al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Naam. Et donc, il faut savoir que l'islam et l'iman, lorsqu'ils sont soutenus tout seuls, lorsqu'on dit l'islam, cela inclut l'iman. Et lorsqu'on dit l'iman, cela inclut l'islam. Mais lorsqu'ils sont séparés, lorsqu'on dit l'islam, cela s'attribue aux actes apparents. D'accord? Les actes apparents, comme le prouve ce hadith. Et lorsqu'on cite la foi, l'iman, précédé par l'islam, cela inclut l'amal al-dakhil, al-batina, c'est-à-dire les actes intérieurs. Tout comme le prouve ce hadith. Hein? Mais lorsqu'on dit islam tout seul, cela inclut les deux. Lorsqu'on dit al-iman tout seul, cela inclut les deux. Cela va ensemble, cela va de pair. Naam. Taïb, hadith, kanat al-mas'ala. Thumma, qal, al-mas'ala, al-sadisatum, wa ishrun. La 26e question. قال فإذا قيل لك كم أركان الإسلام combien donc de piliers à l'islam فقل خمسة أركان والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان Muttafaqun alayhi. Donc il te dit, après avoir été interrogé sur le nombre de piliers de l'islam, toi tu réponds que ces piliers sont le 5. Et la preuve, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a été fondé sur 5, c'est-à-dire 5 piliers. L'attestation qu'il n'est de divinité que Allah, et que Mohammed est le message d'Allah, et l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zaka, et le hajj et le jeûne de Ramadan. Et le hadith, il est muttafaqun alayh. Donc là, ce hadith est clair en soi, démontre les piliers de l'islam. Ils sont connus. D'accord? Ces piliers qui sont connus auprès de tous, sur lesquels se base la religion du serviteur. Et là, l'islam inclut les deux sens. Comme nous l'avons dit. Car l'attestation, plutôt les deux attestations, cela inclut les actes intérieurs. Kalimat al-tawhid, kalimat al-ikhlas, cela inclut les shurut qui vont avec. Et cela font partie des actes intérieurs. Et la salat, elle, est un acte externe. Ainsi que la zakah. Ainsi que le hajj. Et ainsi que le siyam. D'accord? Bien que le siyam est une adoration plus discrète, qui est comme celui dans les hadiths Qudsi, elle est propre pour Allah. Car à la base, celui qui fait siyam, qui jeûne, cela ne se voit pas sur lui. Cela ne se voit pas. Contrairement à la salat. Lorsque tu fais salat, cela se voit. Lorsque tu fais le hajj, cela se voit. Et ainsi de suite. Lorsque tu prononces les deux attestations, cela s'entend. Lorsque tu acquittes de la zakat, cela se voit également. Seulement le siyam, lui, ne se voit pas. Hormis le Ramadan, car Ramadan, c'est connu qu'il a été obligé de le jeûner. Naam. Quand tu dis Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hein, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. C'est-à-dire, cela démontre que les autres communautés également ont connu le siyam. Ce n'est pas une chose qui est propre aux gens de l'islam khas d'aujourd'hui, de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela a été propre à toutes les communautés. Comme le prouve ce verset. Et là également, on voit que les actes, comme nous l'avions dit, les adorations sont peuvent être corporelles et peuvent être matérielles. D'accord? Corporelles, matérielles. Quand on dit corporelles, cela inclut également les actes du cœur. Par exemple, certaines adorations ne demandent aucun bien matériel. Faire la salat ne demande pas de bien matériel. Le siyam kazalik. D'accord? Et l'attestation kazalik. Cependant, le hajj lui demande les deux. Il demande de dépenser de l'argent, de ses biens, de voyager, également des actes corporels, des actions. Et la zaka, elle, c'est une adoration matérielle, dans le sens que tu dépenses ton argent. Mais toutes ces actions sont bâties sur les deux conditions qui viendront par la suite, et l'une d'entre elles c'est al-ikhlas, pour que celle-ci soit acceptée. Innamal a'malu binniya, que les actes ne valent que par les intentions. وَمُؤْمِرُوا إِلَى لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Donc il est obligatoire, intérieurement, cela également inclut les actes du cœur, d'être sincère et de ne rechercher que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces adorations-là. Maintenant, il s'est admis que des fois, des gens disent pourquoi les musulmans font preuve de se montrent comme ça, sont apparents dans leurs actes, alors que celui qui vraiment aime son Seigneur, peut faire cela dans sa maison sans que personne ne le sache. Cela est plus propre et cela est meilleur pour sa sincérité et cela l'évite de tomber dans l'ostentation. Et on peut entendre ce par là d'ignorants de l'islam et surtout les koufars. Moi-même, je l'ai entendu une fois quand je venais de me convertir. Une personne qui se disait être intéressée par l'islam et dit moi, si je venais à me convertir à l'islam, en tout cas, je ferais mes salats mais sans que personne ne le sache. J'ai pas besoin de le dire aux gens et d'aller me montrer à la mosquée. Et ça, c'est une erreur. Car cela n'est pas du ria. Justement, cela est de l'islam, la soumission. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné d'accomplir salat en jama'a. Warka'u ma'a raki'in. Hein? Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Sans compter tous les hadiths nombreux qui sont venus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il explique que la salat en jama'a, déjà, hein, a tufaddilu ala salat al-abd fi baytihi, bi 25 daraja. De 25 degrés. Et d'autres hadiths sont venus avec d'autres versions, plus ou moins. Et également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths, a bien défini que celui qui ne fait pas la salat en groupe, qu'il était sur le point d'aller brûler ses maisons sur leur tête. Hein, qu'il était sur le point de sortir, de leur donner à quelqu'un de faire l'iqama, de faire l'imam, et de prendre un groupe de personnes avec lui, d'aller chercher des fagots de bois pour aller brûler les maisons sur ceux qui n'accomplissaient pas la salat en jama'a sans excuse. Et également ce hadith de l'aveugle qui est venu lui demander l'autorisation de faire salat chez lui. L'inouma kana yashuk alayhi tariq ila al-masjid. Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam qala hal tasma al-adhan? Qala na'am. Qala fa la ajid laka uzran fa ajib al-adhan. Donc lorsqu'il lui dit est-ce que tu entends l'adhan, il dit na'am. Il dit donc je n'ai pas pour toi d'excuse. Donc va faire la salat en jama'a. Tout cela pour démontrer que cette salat en jama'a est obligatoire. Ce n'est pas de l'ostentation. Justement, cela est de l'obéissance. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. Et on a vu, cela aide à souder les liens, à renforcer la fraternité entre les gens, le fait qu'ils se rencontrent. Et le hajj, c'est pareil. Le hajj, c'est une adoration qui a lieu une fois dans la vie du serviteur, obligatoire. Le reste, c'est surrogatoire. Et celle-ci a lieu en jama'a. Car l'islam est une religion ijtima'iyya, c'est une religion de groupe. D'accord ? On vit en société. On vit en groupe. Comme les droits de fraternité, comme les droits de parenté avant cela, comme les droits de voisinage, tout cela est une religion qui appelle justement à vivre en groupe et à se rassembler. Naam. Et cela est parmi justement les usul qu'a cité l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre, c'est un usul azima dans lequel la deuxième, il dit al-amr bil-ijtima', le fait d'être réunis. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et accrochez-vous tous au habl d'Allah, c'est-à-dire sa religion, et ne vous divisez pas. Et parmi les choses qui amènent à se diviser, justement, se séparer. Que chacun reste dans son coin. Cela amène à ne pas savoir ce qui se passe chez son frère. Quand on dit chez lui, c'est-à-dire dans les besoins qu'il pourrait avoir, et non pas dans sa vie privée en soi, mais dans les besoins qu'il pourrait avoir pour l'aider. Et entraidez-vous dans l'obéissance et la piété, et ne vous entraidez pas dans la désobéissance, dans le péché. Donc l'entraide, comment celle-ci peut avoir lieu si on ne se voit pas, si on ne se fréquente pas, si on ne se connaît pas? Et comment cet amour, cette fraternité pourrait elle-même exister sans cohabitation et sans relation? Et chaque musulman est fréquenté, est connu et aimé en fonction de ça, de son niveau de foi, de son istiqama. Kullama istiqama al-abdu, kasurat yani kaburat mahabbatuna lah, wal-aks kazalik. Plus il est droit et plus on va l'aimer. Et moins il l'est, et cela sera le contraire. فبعد هذا قال فإذا قيل لك ما هو الإيمان. Et s'il te dit quelle est la foi, comme on dit, فقول ونطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc s'il te dit quelle est la foi, dit c'est le fait de le prononcer par la langue, c'est-à-dire le dire clairement, la shahadat, les shahadatayn, et l'artikad bil kolb, la croyance dans le cœur, que cela soit inclus dans le cœur, implanté dans le cœur. Wasalith wa amel bijawarih, et le fait d'œuvrer par les membres, c'est-à-dire les actes apparents, d'accord, et que cette foi augmente avec l'obéissance et qu'elle se réduit par les désobéissances, par le contraire. Plus tu fais de bonnes actions, plus ta foi elle monte. Et plus tu commets de mauvaises actions, plus ta foi elle baisse. Et cela est connu, on le voit, les gens droits sont ceux qui commettent souvent le plus d'actes. Et ceux qui en commettent le moins, cela est également apparent sur eux, les gens des péchés, des maasis et des perversions. Car leur foi est basse. Leur foi est basse due à leur manque d'application. Donc les gens se disent souvent, je ne me sens pas bien, je me sens à l'étroit, et ce genre de choses, se plaignent de leur situation interne, de ce qu'ils ressentent. Et quand tu les regardes bien, souvent, ce sont des gens qui sont noyés dans les péchés et qui délaissent beaucoup d'actes obligatoires. Donc on leur dit, si tu veux te rassembler, si tu veux t'améliorer et guérir ce mal que tu ressens en toi, trouver le remède, c'est dans ta'atillah, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'adoration. Et Adai Artej, il est ijtihad. Et parmi les choses qui amènent à cela, déjà, fréquenter des bonnes personnes qui t'encouragent, qui t'incitent, qui te motivent à faire ce genre de choses. Et pas de... de délaisser les mauvaises, car ceux-là vont t'emmener en arrière, vont te traîner. Et également, du'a awalan, comme le hada, être du'a, ou l'ikhlas billah, ou l'himma, être motivé, être déterminé, faire les du'a que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le tawfiq. Et parmi ceux-là, après, il prend les causes, comme le fait de fréquenter les salihin, de fréquenter les gens pieux et d'éviter les gens mauvais, car cela nuira à sa foi, justement. Thumma qal, donc également, on voit que dans cette foi, تعريف الإيمان sont de trois piliers, le fait de le prononcer, le fait de l'avoir dans le cœur et le fait d'œuvrer par les membres. Donc, et par rapport au sujet de la foi, la communauté s'est divisée en sectes elle-même par rapport à la compréhension de la foi. D'accord? Et parmi les sectes déviées, celles qu'on appelle les Murji'a, ceux qui ont dit que la foi, du moins les actes apparents, ne sont qu'une complétitude de la foi, une perfection de la foi, et non une partie intégrante de la foi. Et cela est un égarement. D'accord? Cela est un égarement. La foi est bien celle citée ici-là. Et les preuves vont suivre en cela. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a rapporté « وَكَانَ إِجْمَعِ السَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَنْ أَدْرَكَنَا أن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر. Qu'il est dit qu'il y a unanimité des sahaba et des tabi'in et de ceux d'après eux, parmi ceux que nous avons connus, que la foi c'est la parole, c'est-à-dire notre bilisan, ou l'amel, yani l'amel bil jawarih, ou niya, ay l'i'tiqad bil qalb, et que aucun d'entre eux ne peut compenser l'autre en l'absence d'un. C'est-à-dire, ils sont inséparables. Ces trois-là sont inséparables. Ils sont liés l'un à l'autre. On ne peut en combler un en l'absence d'un autre. La foi est basée sur ces trois piliers-là. Donc, quand l'imam Barawi, fi shar al-sunnah, ittafaqa sahabatu wa tabi'un fiman ba'dahum min ulama al-islam, an al-a'mal min al-iman, wa qalu an al-iman qulu amalu wa aqidah. qu'il dit que l'imam al-Barawi, dans son livre, Charles Sunnah, qui dit que les sahabas ont été unanimes, ainsi que les tabi'un, et ceux d'après eux, parmi les savants de l'islam, que les œuvres font partie de la foi, les actes apparents. Et ils ont dit que la foi, c'est la parole, notre bilisan, ou l'amal, ay amal jawarih, ou l'aqidah, et la croyance. Et dans l'aqidah, et nous disons également que les actes, parmi les actes, il y a ceux qui sont apparents et ceux qui sont intérieurs. Nous l'avions pris dans la définition de l'ibada de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Un ibada ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wa al-a'mal al-zahira wa batina. Que c'est un mot général qui englobe tout ce que Allah aime comme parole, comme acte qui soit intérieur ou caché. Et parmi ces actes intérieurs, il y a des actes définis comme, par exemple, التوكل طيب التوكل أو الرجاء الإسبوع أو الخوف la peur والخشية والخشوع وغير ذلك طيب ce sont des actes du cœur et les actes apparents sont connus. Naam. Donc là nous voyons qu'il y a ijma des salaf et cela est la aqida de al-sunnati wal jama'a que l'iman هو القول باللسان الاعتقاد بالقلب والعمل بجوارح. Et qu'on ne peut séparer les uns des autres. Cela mène à tomber dans les égarements et dans les croyances erronées des sectes déviées de l'islam. Donc là, après cela, il va citer les preuves, elles, qui amènent à affirmer ce qu'il a dit par rapport à l'iman. فقال والدليل على أنه نطق باللسان وعمل بجوارح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Donc là ce hadith lui est venu comme il a dit la preuve que la foi c'est le fait de prononcer par la langue également les actes des membres, c'est le hadith d'Abu Huraira dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi, c'est une soixantaine de branches, dont la meilleure est la parole « La ilaha illallah ». Et la plus basse, c'est le fait d'ôter les obstacles des lieux de passage. Et que la pudeur est une branche de la foi. Donc là, on voit quoi ?« Qul la ilaha illallah », donc c'est la parole. « Wa imatatul azar netaliq », cela c'est les actes des membres. Et le haya, c'est un acte intérieur. D'accord? C'est un acte intérieur. La pudeur est un acte intérieur qui se retransmet sur l'extérieur, mais c'est une chose qui est ressentie en soi, en premier. ثم قال والدليل أنه اعتقاد بالقلب حديث عمر الذي تقدم في أركان الإيمان وقول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Donc il dit également la preuve que c'est aussi une croyance dans le cœur, c'est le hadith de Omar, le hadith apporté avec Jibril. Alayhi salatu wa salam. C'est aussi une preuve, d'accord, de l'itiqad bil qalb. Et également, la parole d'Allah dans le sens où il dit, et c'est sur Allah ou en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Donc là, tawakkul min amal al-qalbiya. Tatroul fil l'irtiqad. D'accord? Et c'est une condition de la foi également. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de tawakkul du tout, ce n'est pas un mu'min comme le prouve ce verset. In kuntum mu'minin. D'accord? Si vous êtes croyant. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار متفق عليه. Donc également il dit parmi les signes de la foi le fait d'aimer les Ansar, ceux qui ont secouru le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم à Al-Madinah, les premiers habitants d'Al-Madinah. Et parmi les signes du nifaq, de l'hypocrisie, le fait justement de les détester. Donc cela, ce sont des actes du cœur. Hein? Al-bourd ou al-mahabba min al-a'mal al-qalbiyya. Thumma qal wa dalilu ala annahu yazid bit-ta'a qulu Allah ta'ala innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wujidat qulubuhum. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Donc il dit parmi les preuves également que l'hymen monte avec l'obéissance, la parole d'Allah dans le sens où il dit que les croyants ne sont que ceux dont les cœurs frémissent lorsque l'on mentionne Allah et dont la foi augmente. Ala wa shahid. Hein? Wazdadu imana. Dont la foi augmente lorsque leur sont récités ces versets et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Wa qal, wa qulu ta'ala, wa huwa alladhi anzala sakinata ala fi qulubi al-mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Hein? Dans le sens où il dit il est celui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants afin d'ajouter la foi dans leur foi. Hein? D'ajouter de la foi dans leur foi. Cela est une preuve de l'augmentation de la foi. وَقُولُوا تَعَلَى وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا. Hein, dans le sens où il dit, et pour qu'augmente la foi de ceux qui croient. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَنْقُصْ بِالْمَعْصِيَةِ أَدِلَةٌ زِيَادَتِهِ فَإِنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَزِيدْ كَانَ نَاقِسًا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في الصحيح باب 33 فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. Donc il dit également, et la preuve qu'elle diminue avec la désobéissance, cela se trouve dans la preuve qu'elle augmente. Hein, si elle, cette foi peut augmenter, cela implique qu'elle peut diminuer également. Donc les preuves sont les mêmes. Les preuves sont les mêmes, car avant qu'elle n'augmente, elle était diminuée, elle était basse. Et la foi ne fait qu'augmenter par la suite. Et l'imam al-Bukhari a dit dans son livre, dans la foi de son Sahih, chapitre 33, c'est-à-dire, lorsqu'il délaisse quelque chose de la perfection, c'est-à-dire de la foi, celle-ci est diminuée. Celle-ci est diminuée. Également parmi les hadillah qu'il cite, قال, hadith, شعب الإيمان الذي ذكرناه قريبا. Également, il y a le hadith des parties, des sections, des branches de la foi cité précédemment. Qu'il y a un au plus haut degré et un plus bas degré. قال, أفضلها و أعلاها قول لا إله إلا الله. Ça, c'est le plus haut. و أدناها, le plus bas, c'est le plus bas, ça prouve que la foi elle a des niveaux. Wa hadith Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani wa fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika ad'afu al-iman akhrajahu Muslim wa fihi anna inkar al-munkar min al-iman. Donc le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui d'entre vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change par sa main. Adi martabat oula. Premier niveau. Changer par la main lorsque tu vois un mal si tu en es capable. Et comme nous avons dit, cela n'est pas propre au gouverneur. Des choses que c'est sûr que peut-être que le gouverneur pourra accomplir et aura la force de faire. Et d'autres, comme par exemple appliquer les sentences, ce genre de choses. Et d'autres, interdictions peuvent être faites par n'importe qui à partir du moment où il aura autorité sur les gens. Par exemple, un père dans sa maison, un mari avec sa femme, ou un grand frère avec son petit frère, même le petit frère avec son grand frère. C'est une chose que tout le monde peut faire, changer un mal par sa main. Mais chaque chose a sa place, son degré. Donc le fait de dire que cela ne revient que aux gens du pouvoir, cela est une parole qui n'est pas correcte. Cela amènerait à ce que beaucoup de gens se taisent sur le mal, se présentent ce qui n'est pas un gouverneur. Et il y a des choses qui peuvent être changées par la main. Cela ne fait pas de doute. Donc ensuite, il dit quoi? Et s'il ne peut pas, alors avec sa langue. Donc il peut parler. Et d'autres ont dit également que cela n'est lié que aux savants et aux imams dans les masajid lorsqu'ils font les khutab et les muhadara, ce genre de choses. Et cela n'est pas vrai. N'importe qui peut amener à dire à quelqu'un « Ittaqillah adama yajuz, adama yaslah » Vous voyez? Avec sa langue, n'importe qui peut être en mesure de pouvoir interdire le blâmable par sa bouche. En disant une petite nasiha, un tambih, un zikr, un rappel. Cela est faisable. Mais non, il est certain que la parole des ulama a bien plus de poids. Elle a bien plus de poids. Non. Votre troisième étape, et s'il ne peut pas, alors, dans son cœur. Et cela, c'est le plus bas niveau de la foi. Hada wa shahid. Hada wa shahid wa zalika ad'afu al-iman. Donc s'il ne peut pas dans son cœur. Mais cela, qu'on a dit comme condition, qu'il ait passé les autres étapes par la suite et qu'il n'était pas en mesure de les accomplir. Et les ulama disent bien que celui qui est en mesure de faire par sa main et qui passe directement à l'étape de son cœur, lui aura commis un péché. Car le hadith est une obligation. Hein? Sirat al-amr. Ou al-amr, yulzim minhu al-wujub. Le fait d'utiliser un verbe à l'impératif, la base c'est que cela inclut une obligation. Et cela, hada min al-jihad. Al-amr bil-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar, hada min al-jihad fi sabilillah. Le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, cela fait partie du jihad. Car cela demande justement d'avoir une foi forte et d'avoir un grand courage et surtout de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir de l'irtiseb. De faire cela pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour faire avancer la umma. طيب فاليوم اخذنا مثلتين وهما فاذا قيل لك كم مراتب الدين quels sont le niveau de la religion nous avons dit l'islam والايمان والاحسان واخذنا كذلك كم اركان الاسلام combien de piliers à la religion فقلنا خمس الشهادتين الصلاه الزكاه الصوم والحج également akhadna ta'rif al-iman aywa akhadna thalath masail afwan wa akhadna ma huwa al-iman quelle est la foi wa qulna wa nutq bil lisan wa i'tiqad bil qalb wa 'amal bil jawarih que c'est le fait de prononcer par la langue hein une croyance dans le cœur et des œuvres des membres n'am fa bi hadha naktafi wa naqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية دمام افاف.com